Lire et Temps, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Nathalie Rouillet qui vient nous parler de son roman policier, L'Opérateur, publié aux éditions Rebline. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors vous êtes professeure des écoles et vous écrivez principalement des romans policiers. Oui. Alors pourquoi ce choix du roman policier ? Je crois parce que j'ai toujours lu du roman policier depuis on est une génération où la lecture était importante et on avait le Club des Cinq, les Six Compagnons, etc. Et c'était déjà des enquêtes policières à leur niveau, quoi, au niveau des enfants. Et du coup, j'ai toujours lu ce genre de choses. Après, je suis passée un petit peu plus compliquée au Arsène Lupin, Maigret, etc. Donc j'ai toujours eu cette envie de me détendre dans le roman policier. Voilà, donc du coup, après avoir autant lu de polar, tout Agatha Christie par exemple, automatiquement, je pense que c'est pour moi un milieu où je me sens à l'aise parce que mon imaginaire est bien plein de tout ça, donc c'est plus facile pour moi. Alors comment procédez-vous ? Vous avez déjà une idée du coupable et de la façon dont vous allez parvenir à le faire découvrir ? Pas du tout. Pas du tout, ça vient en cours de route. Des fois, je change même de coupable en cours de route en fonction de ce que je trouve, puisque c'est justement le thème que j'ai choisi qui me fait aller dans un sens ou dans un autre, parce que ça m'ouvre des portes souvent et du coup, je vois d'une autre façon. J'ai souvent un thème, une scène, et à partir de là, je pars. D'ailleurs, au début, j'ai pas de plan du tout. Ah d'accord, je pensais que c'était bien construit. Ah non, ça se construit tout doucement au fur et à mesure. Donc il faut être bien dedans, il faut avoir une bonne mémoire de tous les éléments pour être sûr que ça soit après bien suivi, quoi. Mais ça, oui. C'est tout le boulot, justement. Non, c'est plus un puzzle. On a des pièces et on les raccorde et on arrive à la fin à un puzzle fini complètement. C'est ce que j'espère. Ben oui, je confirme. On arrive au bout. Voilà. Alors, parlez-nous de L'Opérateur, qui a un nom un petit peu à l'audition. J'avais pas de titre. Je savais ce que je voulais, sur quel thème j'allais écrire. Il y avait l'opéra de Wagner et puis donc la mythologie nordique. Donc, sur mon ordi, comme j'avais pas de titre, j'ai mis l'opéra et Thor à côté. Et puis tout le monde m'a dit, mais ça fait un bon titre, il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Donc, du coup, c'est resté L'Opérateur. Mais c'est vrai, il y a un petit peu Terminator, ces mots-là qu'on a aujourd'hui sans le vouloir, qui peut intriguer ou attirer le lecteur, donc on a laissé comme ça. Alors l'opérateur, c'est la cinquième enquête de notre détective Akam. Donc pour une fois, ils sont en vacances, l'inspecteur et elle, du petites vacances parce que c'est pas trop son truc, et ils sont donc en Normandie, terre viking par excellence pour la France. Et comme par hasard, ils vont découvrir un cadavre et ça va être parti là-dessus. Alors elle est un petit peu embêtée parce qu'elle voudrait tout de suite pouvoir enquêter, mais c'est pas sa juridiction. Lui non plus, il peut pas enquêter, donc elle se sent un petit peu frustrée, tout à fait. Et puis par chance ou par malchance, il va y avoir un autre meurtre similaire en Lorraine. Donc là, l'inspecteur Michael va pouvoir intervenir et du coup, elle, comme elle est témoin, elle va forcément s'immiscer pour essayer de trouver. Voilà, c'est sa vie, je crois, les enquêtes. Il faut qu'elle cherche, qu'elle trouve, qu'elle. Donc du coup, ça en fait un personnage un petit peu atypique. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien la reprendre régulièrement. Alors, plus ou moins, ça le caractère, ça dépend, mais bon, elle a un petit peu le cœur sur la main quand même. Mais c'est vrai qu'elle ne doit pas être facile à vivre. Oui, je ne voudrais pas vivre avec elle non plus. Alors, d'où vous est venue l'idée de départ ? Une visite au parc historique de Caen ? Pas du tout, parce que dès le départ, c'était plutôt Thor et les Vikings. Et en fait, c'est une idée que j'avais déjà eue il y a 2 ans et puis je trouvais que c'était compliqué. Donc je me suis laissée du temps pour les recherches et j'ai écrit entre-temps, c'est écrit dans nos livres. Voilà, et donc là je me suis dit, faut quand même que je travaille là-dessus. Puis c'est vrai que c'est plus, à Cam, il y a plus ce côté un peu fantastique dans ses enquêtes. Donc ça tombe mieux de faire avec elle ce genre de polar un peu basé sur des mythologies ou de l'ésotérie ou des choses comme ça qui laissent un peu le doute. Donc, du coup, je suis partie là-dessus. Et pour moi, c'est vrai que la Normandie, terre des Vikings, ça me paraissait logique de les faire partir là-bas. Et puis, il y a aussi ce côté, j'aime bien découvrir un autre endroit. Moi, je ne connais pas partout. Donc, du coup, dans mes recherches, je découvre les différents endroits, etc. Oui, oui. Et pourquoi les Vikings ? Alors, vous étiez attirée Parce que je pensais à la mythologie nordique. Donc, oui. Du coup, ça me paraissait intéressant de savoir ça. Et j'ai découvert qu'il y avait le parc qui n'existait pas vraiment à l'époque de mon enquête. Donc, il a fallu broder un petit peu d'où l'histoire de cette communauté viking, qui veut reproduire la vie viking. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça a existé, mais c'est à peu près les mêmes lieux, sur le même site, etc. Donc, ça donne un peu de vrai dans mon intrigue. Donc, c'est le but du fantastique aussi, c'est de placer des choses qui perturbent le lecteur, mais dans un monde réel, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, nous revenons après ça, Madame Rêve de Bachung. Atomise et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Si c'était tout comme dans les prières qui emprisonnent et vous libèrent. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougère, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Madame Rêve. Alors nous sommes toujours avec Nathalie Rouillet pour son roman policier L'Opérateur. Alors j'imagine que vous avez dû effectuer de nombreuses recherches historiques, mythologiques et musicales. Exactement, oui, oui. Alors, au départ, je me suis déjà penchée sur la mythologie nordique, oui, et germanique, puisque dans l'opéra de Wagner, ce qui était intéressant, c'est que lui s'inspire aussi des... Bon, comme beaucoup d'opéras d'ailleurs, mais là, c'était, ça allait ensemble, quoi, puisque ces quatre opéras qui se suivent reprennent en gros la mythologie nordique. Il a transformé quelques petits trucs quand même, pour adapter. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant, mais en fait, c'était le côté le plus difficile, c'était d'intégrer cette histoire dans la mienne. Oui. Parce qu'il y a des moments où je me disais, mais ça devient un peu tordu. Puis finalement, souvent, la réalité rejoint la fiction, donc pourquoi pas, quoi. C'est assez complexe, mais finalement, c'est le côté-là qui est intéressant, puisque je me dis, bon, il faut que j'y arrive, il faut que je trouve, c'est motivant aussi, surtout quand on a trouvé. Oui, bien sûr. Alors, vous allez dans les bibliothèques ou vous cherchez sur Internet? Alors, ben, j'ai pas trop le temps d'aller dans les bibliothèques, puisque c'est limité. Moi, j'habite un village de 200 habitants. Il y a une petite médiathèque quand même, mais il n'y aura pas pour faire des recherches historiques comme ça. Alors, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir Internet qui est un bon outil. Il faut savoir se dépatouiller des faux sites, mais bon, comme je travaille beaucoup sur la BNF, tout simplement, la Bibliothèque Nationale de France, on y a accès libre. Ce qui est dur, c'est de taper la recherche. Oui. Parce que ça, cibler exactement, trouver... Alors après, il y a des milliers de trucs à aller regarder. C'est vraiment, à chaque fois, je me dis, c'est un hasard, quoi. J'arrive à trouver un document ou un autre. Et puis sinon, bah, sur la mythologie nordique, il y a beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, parce que c'est quand même un peu dans l'air du temps. Il y a des séries et des choses comme ça. Alors pareil, le tout, après, c'est de faire la part des choses, parce qu'il y en a qui partent sur des trucs personnels après, oui, etc. Oui, oui. Donc, en relisant, en visitant plusieurs sites qui sont différents, parce que souvent c'est des copier-coller. Oui. Donc déjà on voit bien que c'est la même chose qui est écrite, mais en prenant plusieurs sites, puis il y en a des plus ou moins sérieux. Il y a des fois on tombe sur des sites qui sont écrits par des professeurs, des historiens, donc on peut se dire que c'est un peu plus sérieux, puis on arrive à recouper certaines choses. Mais l'intérêt de la mythologie, c'est que justement on est sûr de rien. Oui. C'est que finalement on a beaucoup rêvé aussi sur certaines choses. C'est comme les Vikings, on ne sait pas vraiment si c'était des barbares. Apparemment, dans leur société elle-même, ce n'est pas forcément des barbares. Donc, tout dépend du point de vue et de ceux qui en parlent. Oui, c'est sûr. Alors, vous êtes allé sur place, parce que l'histoire se passe en Normandie et aussi en Lorraine. Vous êtes allé sur place en Normandie? Alors, pas du tout, c'est pareil, c'est tout de la recherche sur Internet. Donc après, je fais des recherches historiques sur les lieux. Donc là, je me penche sur Caen, j'ai cherché un château en forme de motte qui aurait pu être effectivement un lieu de résistance, etc. Donc qui pouvait me permettre de faire... Parce qu'ils sont en vacances, mais ils ne sont pas là pour rien faire. Donc là, la visite s'imposait. La visite d'un château où on allait découvrir un cadavre, ça me paraissait assez logique puisque ça rapportait tout ça. Alors c'est vrai que du coup, ce n'est pas forcément le meilleur lieu. Parce qu'après, je me suis rendu compte que les Normands n'étaient pas rentrés comme ça dans les terres. Ils étaient plus restés sur les bords, mais bon, après tout, ça se passe aujourd'hui, donc on peut décaler aussi la réalité, quoi. Alors, la communauté viking à Caen et à Rouen existe vraiment? Alors, aujourd'hui, c'est un parc attractif, parce qu'il y a eu des recherches archéologiques quand même au départ. Donc, il y a tout ce côté-là. Et puis, ils en ont fait un parc où les gens viennent voir comment on vivait, comment on travaillait les métaux, etc. Donc, c'est intéressant. J'y suis jamais allée. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y aller. Donc, comme mon intrigue se passe avant la création de ce camp historique, c'est moi qui ai un peu imaginé cette idée de communauté viking. Pourquoi pas? C'était prémonitoire, là. Peut-être. Mais dans le futur. Et la boutique spécialisée en vêtements médiévaux, ça existe à Rouen? Je pense qu'on peut trouver. Alors déjà, sur Internet, aujourd'hui, on trouve plein de choses de boutiques où on vous vend. C'est comme ça que j'arrive à trouver les détails, oui, sur les épées et tout ça, parce qu'ils vendent des contrefaçons, des copies d'armes, etc. Donc, c'est une mine d'or. Hein. Vous tapez épée viking, vous avez tous les gens qui vendent des épées... des sites d'armerie, quoi, etc. Donc, on arrive à retrouver après des historiques, etc. Donc, du coup, ça permet d'avoir à chaque fois des détails un petit peu plus... Ouais. Alors, je ne sais pas si à l'époque du roman, c'était déjà développé comme ça. Voilà, c'est toujours un petit peu le souci. C'est que quand je me sers de choses que je trouve aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Donc, c'est pour ça que la boutique me paraît plus adaptée que de dire sur Internet, ils ont trouvé bien ça, ça, ça. Bien quoi. Sûr, voilà. Bien sûr. Alors, je ne savais pas que les Vikings étaient venus jusqu'en Lorraine. Vous aviez déjà en votre possession le livre dont vous parlez, le livre de l'abbé Melnot, curé de Belleville, intitulé « Notices historiques de Scarpone et de Loire », qui a été imprimé à Nancy en 1884. Voilà, c'est ça. Alors, comment vous êtes tombé sur ce livre ? Eh bien, en faisant les recherches à la Bibliothèque nationale de France, à force de taper « Viking », « Lorraine », trouver d'autres mots pour... Je suis tombée sur ce... Alors, c'est vraiment un entrefilet. D'ailleurs, je le donne dans... quand le professeur fait la lecture, il n'y a que ça. Alors, on y apprend aussi que Attila était les premiers à venir envahir Scarpone. Oui. Que vraiment, c'est un lieu qui a toujours été pris, envahi, etc. Parce que justement, d'après ce que j'ai compris, les barbares se cassaient la tête à Metz, ils n'arrivaient pas, c'était une place forte. Oui. Donc, ils n'arrivaient pas à l'envahir. Donc, du coup, ils continuaient, c'est Dieu Loire qui prenait, quoi. Ah oui, d'accord. En gros, c'était ça. Donc, parce qu'ils ont été rançonnés, pris, etc. Plusieurs fois, quoi. C'était assez, assez impressionnant. Et du coup, bah, moi, je ne savais pas. J'ai découvert aussi tout ça. Alors bon, c'est un abbé qui a écrit en 1800. Donc, sur quelle base voilà, on est sûr de rien. Oui. Mais bon, s'ils en parlent, c'est que quelque part, ça s'est fait aussi. Et c'est vrai que dans beaucoup de sites, on parle des invasions vikings, mais ils ont été en Espagne, ils sont rentrés en Méditerranée, ils sont allés partout, et notamment en Russie aussi. J'ai découvert qu'il y a tout ce côté-là viking qui était en Russie. Donc oui, à la limite, c'était plus facile. Oui, voilà, c'est ça. Mais ils ont aussi, alors ils ont remonté, la plupart du temps, remonté tous les fleuves qu'ils pouvaient, donc tout fleuve navigable, comme leur embarcation était plate, c'était pas des embarcations pour aller sur la mer, en fait, ils étaient en danger en mer. Par contre, sur les rivières, ils avaient aucun problème. Et souvent, ils faisaient des camps à certains endroits, donc en Lorraine, c'est ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas habité comme en Normandie, mais ils ont fait des camps, de ce camp, ils restaient un mois, ils rançonnaient, ils pillaient, etc., et puis ils repartaient, quoi. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de traces, effectivement, de ces camps, ça a disparu complètement. Alors, l'opérateur met en scène un couple d'enquêteurs, un vrai policier et une détective privée. Alors, c'est un drôle d'attelage, on peut se demander ce qui les lie, ils sont tellement différents. Oui, alors bah, ça, il faut peut-être lire les premiers romans, parce que c'est la cinquième enquête. Leur rencontre avait d'ailleurs été assez tonitruante, mais je pense que justement, l'inspecteur, on explique bien dans le premier, ça je ne le redis pas toujours, c'est un très bel homme qui a eu des déboires, parce que lui, il n'est pas du tout sensible à sa beauté, il se rend... Voilà, pour lui, c'est plutôt une tare, un boulet. Et il a fait les frais avec sa première femme, puisqu'il a été marié, qui était tellement jalouse. Elle était persuadée que comme il était beau, tout le monde lui courait après, etc. Et du coup, ça l'a un petit peu... voilà, lui, les femmes, c'est... Mais cette petite Akam, avec son tempérament, qui est, on m'a déjà dit, androgyne, qui est aussi bien homme que femme, c'est vrai que dans ses... Elle n'est pas très féminine sur certains abords, mais du coup, ça l'a dès le départ, ça l'a attirée, quoi. Et puis elle, bon, elle ne sait pas trop. Elle l'aime, mais bon, c'est sa liberté avant tout, c'est ses enquêtes surtout, avant tout. Et, et voilà, donc c'est un couple un petit peu bizarre. D'ailleurs, ils ne vivent pas ensemble. Alors, on peut aussi s'étonner de la place que prend la détective privée dans l'enquête. C'est la prérogative de l'auteur que de prendre des libertés avec la réalité. Parce que j'imagine que dans la réalité, elle ne pourrait pas s'immiscer comme ça. Non, je ne pense pas. Mais c'est justement les liens qu'elle a tissés avec ces inspecteurs-là, du fait qu'elle les a aidés dans les premières enquêtes. Et dans la toute première enquête, la cuvée des druides, en fait, c'est sa sœur qui est accusée de meurtre. C'est pour ça qu'elle intervient et qu'elle va un petit peu forcer. Mais souvent, elle a été utile, puisque ce qu'elle trouvait, elle, par ses démarches à la psychologie, ses recherches et tout ça... ça s'avérait juste, donc ils savent qu'elle a des qualités, des capacités, et puis du coup, comme elle ne fait pas partie de la police, à la limite, elle a les mains libres pour certaines choses. Elle peut aller rencontrer les gens, c'est à elle d'être maligne pour pas interroger, etc. Puis elle a la chance d'avoir un fils qui est un petit génie d'informatique, et qui lui permet d'avoir beaucoup de détails, de points où elle peut aller chercher, etc. Donc c'est tout un ensemble. Toute seule, elle vaut rien. Toute seule, elle ne sert à rien, mais le fait qu'elle ait un fils qui est doué et puis qu'elle a l'appui de la police, ça lui permet quand même de faire pas mal de choses. Voilà. Alors, dans votre livre, vous abordez aussi le thème des femmes battues. C'est un problème qui vous préoccupe ? Ben oui, parce que je suis enseignante et bon, il y a aussi le thème des enfants battus, mais là, c'est vrai que je trouvais que cette histoire de femmes qui passaient, c'est pareil, elle rentre en jeu à la fin, mais je ne vais pas en dire plus. Et en fait, au départ, ce n'était pas prévu du tout. Et c'est justement ce côté un peu femme battue. Puis son mari, à qui j'avais donné un caractère plutôt jovial, mais un petit peu bizarre. Donc, du coup, l'idée m'est venue qu'effectivement. Et puis là, ça permet aussi de. L'inspecteur qui comprend rapidement, etc. Et ça donne aussi un plus de poids pour la suite, pour le fait qu'elle va, elle va intervenir à un moment donné, quoi. Voilà. Oui. Non, mais vous parlez d'une mentalité spéciale des femmes battues. En fait, elles sont souvent elles sont dans le déni. Oui. Hein, moi je suis plutôt, je suis pas à cam parce que j'ai pas son tempérament, mais je pense que dans, je me suis toujours dit que si quelqu'un levait la main sur moi, c'était au revoir, quoi. Bah oui. Alors que là, je vois bien que ces femmes-là, elles n'ont pas le caractère, ou elles aiment à ce point qu'elles ne peuvent. Voilà, j'ai du mal à comprendre ce lien qui fait que certaines femmes restent avec quelqu'un qui les opprime et qui les fait souffrir. Un manque de confiance en soi. Alors, il y a beaucoup d'explications. Il y a aussi une forme de sadomasochisme parce que c'est souvent des femmes qui ont déjà souffert dans l'enfance, qui reproduisent quelque chose, qui ne peuvent pas se passer. Il y a souvent un lien aussi pécunier parce que le mari travaille puis qu'elles sont là. Si elles s'en vont, elles n'ont plus rien. Mm-hmm. Un manque de confiance, certainement, des choses comme ça qui font que. Mais c'est vrai qu'on a, quand on est une femme plutôt libre, on a un petit peu du mal à imaginer qu'on supporte ça. Quand il y a des enfants encore, je veux bien comprendre qu'il est le lien maternel qui fait que, mais quand une femme est seule et qu'elle est battue, j'ai qu'une envie de lui dire, barre-toi, quoi. Ouais. C'est surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on fait pour les aider, mais peut-être qu'elles ne sont pas au courant, qu'elles n'osent pas. Puis je pense qu'il y a des femmes qui ne veulent pas avouer que c'est une honte pour elle. Hein. C'est un petit peu comme le harcèlement et tous ces trucs-là, ou le viol. Les femmes restent toujours dans la honte, alors qu'elles ne devraient pas. Quoi. Mais bon. Alors, je laisse à l'auteur, en général, le choix des pauses musicales. Vous n'avez pas sélectionné Wagner. Pourquoi ? Vous avez une overdose de l'opéra. Je crois, oui, mais j'adore, par contre. J'ai découvert l'opéra grâce à Wagner quand j'ai repris des études de fac, puisque à 40 ans, je suis retournée à la fac. Et je faisais théâtre et on nous obligeait à aller voir des spectacles, notamment. Donc là, j'ai vu mon premier spectacle d'opéra, c'était Les Valkyries de Wagner. D'accord. Voilà. Et c'était grandiose, quoi. La mise en scène, il y avait à un moment donné un char qui sortait du sol avec l'impression qu'il y ait du feu derrière. Avec la musique, les chœurs, c'était grandiose et ça m'a laissé vraiment un impact. Mais du coup, dans l'opéra, ce que je recherche, c'est ça, c'est les chœurs, le frisson, quoi. Et souvent, je suis un peu déçue parce qu'il y a de moins en moins de chœurs, on supprime. Ça coûte trop cher. Voilà, je pense, quoi. Donc, mais bon, on y va toujours, on est abonné à Nancy, donc... Alors, quels sont vos projets ? Vous avez déjà un roman en cours d'écriture ? Alors, j'ai des idées. Donc là, Akam, elle se repose un an, hein, puisque c'est tous les deux ans. En général, j'essaye de la reprendre. Donc là, j'avais envie de reprendre la petite Jolaine Marshall, qui est un petit peu profileuse. Donc, c'est plus du polar. Là, c'est du thriller, mais il n'y a pas du tout de fantastique. En revanche, il y a toujours des recherches, puisque elle est apparue dans Les Embaumés de la Baume. Et elle a aussi un tempérament un peu particulier, fille unique, surdouée, adorée, adulée par ses parents. Alors elle est vosgienne, hein, elle habite à Mirecourt dans les Vosges, comme par hasard. Et voilà, donc elle a fait l'école de police, elle s'est spécialisée dans le profilage. Parce que dans le premier roman, elle est apparue à l'époque de la loi Perben, où justement, c'était 2003-2004, où on essayait d'intégrer le profilage dans la police. La gendarmerie avait déjà fait. Alors ça, c'est pareil, c'est des recherches, c'est des textes de loi, c'est du moment passé à lire, etc. Et du coup, je trouvais intéressant d'en faire une des premières lieutenants de police qui soit un petit peu impliquée là-dedans. Et comme elle a un caractère justement un peu marginal, elle a facile à se mettre à la place, parce qu'en fait, c'est l'empathie qui est importante, se mettre à la place d'un serial killer pour essayer de comprendre comment il agit, ce qu'il a vécu et tout ça. Donc là, j'ai envie de la reprendre et je suis attirée par les contes de Perrault, des choses comme ça. Alors, donc, le challenge, c'est de trouver des lieux, déjà. Et puis, bon, je vois un petit peu, j'ai déjà une idée d'un tueur qui va laisser des scènes dans lesquelles il y aura des indices de contes, etc. Donc, ça va être une piste qu'elle, elle va creuser à sa façon. Donc, le conte m'attirait beaucoup. Voilà, donc, je pense que ça va être de cet ordre-là. Alors, vous fréquentez les salons du livre. Vous oui. aimez ça, la rencontre avec les lecteurs ? Quand ils sont là, oui, c'est super. Quand il n'y a personne, on s'ennuie beaucoup. Mais... Oh, quoi qu'on discute entre auteurs. Mais... Ah oui, oui, j'aime bien. Et puis, c'est rigolo de voir comment les gens perçoivent, en fait, les personnages, par exemple. Il y a des fois, ça n'a rien à voir avec ce que moi, je vois. C'est assez rigolo. Et puis, il y a des gens qui me disent, par exemple, dans le cas d'Akam, il y a la petite inspectrice Muser, qui est le contraire d'Akam, qui est une fille adorable, toujours soucieuse du bien-être des gens, etc. Vraiment une gentille fille, quoi. Qui se soucie des autres. Akam ne soucie guère des autres, en tout cas. Et du coup, il y a des gens qui m'ont déjà dit que c'était celle qu'ils préféraient, quoi. Parce qu'elle était plus... qu'Akam, c'est une emmerdeuse, même si c'est elle qui tient le fil de l'histoire, quoi. Oui. Voilà. Alors, où peut-on trouver vos livres, pardon ? Alors, sur le site internet de la maison d'édition Rebelline. Donc là, il y a pas de souci, il suffit de commander. Dans toutes les librairies, alors il n'y a pas de stock parce qu'on n'a pas de diffuseur étant une petite maison d'édition, mais il suffit de demander au libraire de lui donner le titre. Il retrouvera, on est référencé sur Dilicom et Electre, les principales bases de livres. Donc, il n'y a aucun souci pour nous trouver, voilà. Ouais. Alors, vous m'avez dit qu'il y avait un libraire de Caen qui vous avait demandé votre livre. Oui, voilà. Donc, j'ai été très surprise parce que j'ai eu une commande de bouquins de l'opérateur, d'un libraire de Caen. Alors, une petite librairie qui s'appelle Brouillon de Culture, parce que j'ai découvert que Caen était une ville, une des premières villes d'Europe où il y a le plus de librairies. Alors, quand on voit tous les soucis qu'il y a, que les libraires ferment, etc., ah, c'est rien que pour ça, j'aurais envie d'y aller pour faire le tour des librairies, quoi. D'autant qu'apparemment, il y a des librairies un petit peu café, etc., où on peut s'installer, bouquiner. Donc, je trouve ça vraiment... C'était rigolo d'avoir choisi Caen sans savoir tout ça et de le découvrir. C'est un petit peu ce qui m'arrive à chaque fois dans les recherches. C'est-à-dire que je tombe sur des trucs, je me dis, mais bah oui, bien sûr, c'est ça qu'il me fallait. C'est toujours rigolo. Oui, voilà. Alors, quel est votre genre de lecture préféré ? Le polar. Oui, mais à part ça, j'imagine bien. Alors, dès le moment qu'il y a une bonne intrigue, bien ficelée, j'adore n'importe quoi. Ça peut être historique, ça peut être... Mais ça ne sera pas des essais ou parler pour parler. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me permette, moi, de me faire une intrigue. Alors après, le support peut être divers, mais il faut qu'il y ait une histoire quand même. Voilà. C'est important pour moi. Qui se termine bien, de préférence. Ah mais bon, ça ne se termine pas toujours. Ah bien, ben non, on choisit pas, hein, c'est sûr. Alors vous êtes prochainement à des salons de livres quelque part ? Eh ben le prochain c'est Valferdange au Luxembourg. Il y a un gros salon dans ce coin-là et on est bien accueillis ces deux jours. C'est quand ? Alors ça doit être, je ne sais plus. C'est en novembre. Est-ce qu'il y a un 18-19 novembre ? C'est possible. C'est possible. Voilà, donc c'est dans les eaux. Voilà, sinon bah, on devait aller à Colmar mais on n'arrive plus à obtenir de stand là. Je ne veux pas faire de polémique mais le centre régional du livre de Lorraine ne nous aide pas du tout puisqu'ils nous refusent. Ils ont pris le stand à notre place alors que nous on voulait le réserver, on avait déjà payé l'année d'avant, donc on nous a gentiment mis sur la touche, mais en plus on n'est pas accueillis sur le centre régional du livre, alors de Lorraine, du Grand Est maintenant. Voilà, donc on est un petit peu déçus de cette politique, les grands d'abord et les petits après. D'accord, moi je ne savais pas qu'on devait payer. Alors on paye son stand, donc notre argent vaut le leur. Je ne vois pas pourquoi nous on a demandé en premier, on n'a pas été pris parce qu'on a... Ah oh, bah non, le centre régional c'est plus important, on le case. D'accord. Voilà, donc... Alors merci à Nathalie Rouillère d'être venue nous parler de l'opérateur publié aux éditions Rebelline à Neuve-Maison. Alors au revoir à tous. Et à bientôt. Au revoir.